Tortoli et Art Attack tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonjour. Hola. Que tal? Ça va tirer ma taxe? À la bien cousin, et toi? Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Vous écoutez Tortoli et Herbatax, c'est tous les mardis de 17h à 18h. Voilà, sur ça, Radio fait, ça fait une heure, ça fait 60 minutes. Et c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. But du jeu, balancer un générique pour Rave, des morceaux qui nous font plaisir et qui vous feront plaisir, j'espère. Plus un petit agenda culturel dans 30 minutes. Et ça passe direct par un générique pourri. Voilà, voilà, comme je disais. Et Tu l'entends? We'll be right back. ouais. Et ouais, ouais, on pouvait pas continuer là-dessus. Bah, attends, j'étais quand même sur un petit déhanché pas dégueulasse, Tortoli. Ouais, j'ai remarqué. Mais j'ai mieux que ça. J'ai le nouveau Sharon Jones. Qui s'appelle comment? Better thing to do. Bravo. Vous écoutez Tortoli Herb Attax. On se retrouve juste après. Tout droit. On est là jusqu'à 18h, tranquillement. Charme jaune. Bref. C'est Tortoli et Herb Attax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. De retour dans les studios de Radio Panique. Ah oui, appuie sur le bouton, Tortoli. Eh oui. On t'entendra mieux. Avec moi qui ai le droit au début de ta phrase, j'ai l'impression. J'avais encore les moufles. Tranquille. Donc c'était un petit Sharon Jones, tu vois. Voilà. Rappelle-moi le nom de ce morceau. Le titre s'appelle Better Things to Do. Et juste derrière, on va se mettre encore un truc smoothie. Mon petit ami, Herb Attax. Voilà, donc. Tiens-moi au jus, dis-moi. Tiens-moi au courant. Je te tiens au jus en ouvrant en épluchant ma mandarine. Oh, c'est mignon. Parce que je sais que nous avons besoin de vitamine C. Et puis. Alors que les autres, non. Bah, si, mais les autres, c'est la musique. C'est notre musique, la vitamine C, quoi. C'est la sélection. C'est beau. Une heure de vitamine C, de 17 à 18. Tu devrais faire de la pub. J'avoue que j'ai des slogans comme ça à revendre, quoi. Mais prépare plutôt ton expression de la semaine pour tout à l'heure. C'est vrai, ça va être juste derrière, Amy Winehouse, voilà. Avec un titre caché un petit peu. Cachère. Cachère, bah, pas cher. C'est d'obédience ska. Voilà, je ne sais pas avec qui elle a, avec quelle back band elle s'est, elle a fait ça, mais c'est un titre caché sorti sur juste sur une face B d'un single. D'un single issu de Back to Black. L'album qui avait cartonné. Voilà, et il y a un petit single qui est sorti, je sais plus, en 2005 avec 4 titres. Un petit peu en parallèle, et il y avait ce titre là dessus qui s'appelle You're Wondering Now. Voilà, et ben You're Listening Now, Amy Winehouse sur Radio Panic. À tout à l'heure. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Ah là là là là là. Vous en droite. Gauche, droite, gauche, droite. Et oui, il est temps. Il est temps dans cette émission Tortoli et Arbatax et Radio Panique. Il est temps de faire les totos. Et voilà, c'est le jingle de la chronique, l'expression de la semaine. Toutes les semaines, on vous propose deux expressions que vous pouvez soumettre, etc. Mais surtout, voter. Vous pouvez voter pour une des deux expressions que moi-même, Tortoli ou Arbatax, propose à l'antenne tous les mardis. Proposons. Première personne du pluriel. Je n'aime pas trop conjuguer les verbes. Deuxième groupe à l'infinitif. C'est pas mon truc. Voilà, on va faire un petit récapitulatif parce que ça fait plaisir. Bon, je préfère éviter encore cette semaine de parler du score. On va juste parlons du score. Ok, donc on était sur attends. Non. Deux expressions. On était sur faire la merguez. Voilà. AKA faire la fête. Avec. Et on était sur je me rappelle plus du mien, c'était quoi? Physiologiquement, qui était génial. Toi, tu t'en rappelles plus, mais sache que tous les auditeurs ne s'en rappellent plus. Physiologiquement, hein, c'était un petit peu le mélange de l'esprit et du corps. La merguez, je vous fais pas la définition parce que je pense que les auditeurs ont bien compris. D'ailleurs, le résultat parle de lui-même, c'est une raclette! Oh, vas-y, on serait sur un combien? En ces temps de raclette, on est sur une raclée. Bien vu. Donc, il me semble que j'ai quand même comptabilisé un point pour toi. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Parce que tu sauves l'honneur. Je referai un petit merciement en privé sur Facebook. Et par contre, toi, t'en as eu combien? 7, 8? Bon, 10, 12. 10, 12, d'accord. Voilà. Bon, c'est une raclée, c'était la raclée de l'année. On serait sur le, un petit peu le match comme ça, le jeudi noir d'Arbatax. Voilà. Mais moi, si j'aligne le Barça et toi que t'alignes le FC Le Havre, ça va pas marcher. Hein. C'est vrai que bon. Voilà, donc cette semaine. Bon, bah bien joué, bien joué. Voilà, j'ai gagné donc au score du classement général de toute la saison. On est sûr du 7-4, un truc comme ça. 3 fois rien. Voilà. 3 fois rien. Non, c'est pas mal. Une c'est petite pas longueur mal. D'avance. C'est pas mal, une petite longueur. Tu vas peut-être essayer de te rattraper cette semaine avec ton expression. Tiens-moi au jus. Alors, cette semaine, je te propose quelque chose qui passe bien en société. Parce que moi, toujours, j'essaie toujours de proposer quelque chose qui n'est pas trop vulgaire, qui évite toujours la vulgarité. Alors, cette semaine, je me base sur l'expression classique « tu me fais chier ». Mais qu'il faut absolument remplacer comme ça par « tu me facilites le transit intestinal ». Ok, voilà. Donc ton expression serait « tu me facilites le transit intestinal ». Tu me facilites le transit intestinal. C'est voilà, c'est une petite manière un petit peu mesquine comme ça de dire « j'en ai rien à foutre, tu m'emmerdes profondément ». Mais non, tu me facilites le transit intestinal, là. Voilà, donc c'est l'expression d'Arbatax face à cette expression. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'en fasses, là? Qui est assez vulgose, hein, comme la tienne. Moi, dans j'ai le coin opposé, dans le coin opposé, nous avons tout simplement Fandard. Eh ouais, mec. Ouh, tu le ressors de celui-là. Bah, je le ressors d'une... De ta mal, voilà, de ta mal à de jouer, mal à, de, mal, de ton mal grenier. À expression. Fandard. Fandard, voilà, ça vient de l'idée de se plier, de se tordre, de se fendre de rire. Je te fends le dard, par exemple. Ah, donc c'est vraiment non, du verbe fendre. Quoi. Ouais, fendard. Par exemple... J'avais une intuition là-dessus. Quand même. Je trouve ta tête fendard, par exemple. C'est marrant parce que quand tu dis Fandard, c'est tellement désuet que j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Mais c'est vrai, c'est un film désuet, une expression désuète. Désuète. Mais voilà, c'est de l'argot. Moi, je réutilise la langue française pour mieux la ressortir. Voilà, c'est bien, au grand jour. Pas de vulgarité, on est sur du Fandard. Bravo. Alors, cette semaine, récapitulatif avant de revenir à la musique, Fandard versus... Tu me facilites le transit intestinal. C'est le clash de la semaine. Ça se passe sur Facebook. Vous lâchez un petit commentaire. Dès qu'on aura mis l'émission en ligne, vous lâchez du commentaire en dessous. Voilà. Et normalement, si vous voulez me faire remonter un petit peu au score, recoller à Tortoli, n'hésitez pas à voter pour Tu me facilites le transit intestinal. Ça serait assez sympathique de votre part, sachant dans quel état physiologique d'ailleurs qu'on t'a laissé après cette proposition d'expression la semaine dernière. Ouais, c'est vrai que là, je vais avoir du mal à me remettre de ce match. Il va tout de suite falloir se remettre un peu de son. Tortoli, normalement, t'avais eu un petit coup de cœur pour un remix de Roots Manuva par Mode Selector. Tu l'entends là ? DJ allemand. Deux DJ allemands. Deux DJ allemands, voilà. Mais là, Mode Select et Thor. T'as pas tort. Mais là, on va juste faire une petite piqûre de rappel avec le Witness the Fitness de Mode Selector. On va vous passer un tout petit bout et juste derrière le remix. Voilà l'original, voilà. Witness the Fitness. Taskmaster, burst the bionics in splitter. Breakneck speed, we drown 10 pints of bitter. We lean all day and some say they ain't productive. Could that depend upon the demon that you're stuck with? Cause right now, I see clearer than most. I sit here contented with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said wait, we count them blessings and keep jamming. Tis him, scumbag, scum of the earth. He's worth was nil until he gained the skill of tongues. From 15 years young, straight to my grey back self. I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish. Break away, slave bliss. Generate G's and then be stashing with the Swiss. Fools can't see this. Under your pistols, a fist full of hip hop duns. I progressing in the flesh. Esoteric quotes, most frightening. Duppy took a hold of my hand while I was writing. Leg on me tinged up and leg on me an. I summon up the power of Banana Clan. Witness the fitness. You got for 10 living. One hope, one quest. Witness the fitness. You got for 10 living. One hope, one quest. Witness the fitness. The prophet and Levet. One hope, one quest. Witness the fitness. The prophet and Levet. One hope, one quest. Swigging that deep root juice. Now we there burning boots. Set them spirit them loose. Go ahead, go slash up the noose. We conclusive proof for both the truth and right. Cause whether we itch, I go push bike. Go travel kind of tracks. Manifest that we oats and boots like. C'est le remix Mode Selector Witness the Fitness. Brah. Tu connais? Bah tu connais pas. the bionic zit splitter. Breakneck speed, we drown 10 pints of bitter. We lean all day and some say they ain't productive. Could that depend upon the demon that they're stuck with? Cause right now, I see clearer than most. I sit here contented with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said wait, we count them blessings and keep jamming. Tis it, scumbags come at the earth. He's worthless nil until he gained the skill of tongues. From 15 years young, straight to my payback self. I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish. Break away, slave bliss. Generate G's and then we stash them in the Swiss. Boots can't see this. Under your pistols, a fist full of hip hop duns. I progressing in the flesh. Esoteric quotes, most frightening. Yup, it took a hold of my hand while I was writing. Leg on me teamed up and leg on me end. I summon up the power of banana clan. Yeah. Witness the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the go ahead, go slash up the news. With conclusive proof about the truth, the right. Cause whether we hitchhike or push bike or travel kind of trash. Manifest that with oats and boot trap. Manifest that, yeah, I do my same way. Ain't nothing else I know. Gone up in the life with this Iraqi bone flow. Squeeze the pain from my belly and set my soul free. Travel over ocean, land and sea. Face enough stress and difficulty. Flung back from the brink, why it kind of stink? We don't give a fig about what them folks think. Trigger network, our network will speak for itself. Proof of the trophy and the champion belt. Come sun, come rain, come hailstone, hell. Yeah. Witness the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness. Submit with some old time shit. Let the old world know he's on some off key tip. Mega manic. When time the pressure stop lick by the hook or by the crook, by the poop or by the kick keys. Sickly cryptic, spitting the code and most proud to present that Crawfordton mode. And it shows that that rose done. Seen a few slights. Life throws tsunami or reality bites. We in collision with the beast. Lost to religion, now we can't get no peace. In that we got one for tech, eye for chief. Stoop to the level and we're plotting cold grief. But we should know that discipline make the geese. Separation of the gnat from the rat, that's a must. Proceed, set speed with the competent. I proceed, set speed. Competent, yeah. Witness the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness, the witness. J'ai des baskets super chouettes. Une copine magazine à l'arrière. Ma mobilette. Tortoli, on a loupé le début. Faux départ, tu me remets ça. Ça s'appelle Alec, il est japonaise. Le morceau c'est Kiki sur Radio Panique. Kiki kiki kiki pull tes doigts. Kiki kiki kiki kiki pull tes doigts. Kiki kiki kiki kiki pull tes doigts. Kiki kiki kiki kiki pull tes doigts. Kiki kiki kiki kiki. J'ai des baskets super chouettes. Une copine magazine à l'arrière. Ma mobilette. Une petite queue. Attacher mes cheveux. Un peu gras et le bout des bras parfumé aux huiles de pied. Plus des doigts. Kiki, kiki, kiki, kiki, pull tes doigts. Kiki, kiki, kiki, kiki, pull tes doigts. Kiki, kiki, kiki, kiki, kiki. Plus des doigts. qui pue tes doigts. Qui pue tes doigts. Qui. J'ai des lunettes sur la tête. Un copain super malin qui peut sauver la planète. On est convaincu qu'il y a moyen de se laver les mains tout en gardant sa paire de gants. Pue des doigts, qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui pue des doigts. Qui Voilà, voilà. Après quelques déboires technologiques. Mais du coup, ça nous permet de parler dessus. Ça fait comme si on l'écoutait deux fois, en somme. En somme. Et comme ça, c'est bien fandard. Exact. Ça s'appelle Aleké des Japonaises. C'est petit coup de cœur Tortolier Batax. C'est mi-bruxellois, mi-japonais, comme son nom l'indique. Bravo. Formé d'un duo, une nana et un mec, Alec, j'imagine. Exact, on va sûrement en entendre parler d'ici très très peu de temps. On les invitera peut-être, on verra ce qu'on va faire, on va faire un truc quoi. Voilà, en tout cas ils sont bien délire, si vous avez l'occasion d'aller les voir, ils tournent un peu sur Bruxelles ici et là. Les manquez pas, c'est assez fandard, j'ai envie de dire. Oh merci, c'est mignon. Mais parlons plutôt du son dont tu m'as parlé cette semaine, ou plutôt la semaine dernière. Exact. Noël. Oui, j'ai une news qui est tombée pas plus tard que la semaine dernière. On m'a envoyé le nouveau Matisse Yahou. Ah mais toi on te les envoie direct. Ah oui, on m'envoie, c'est la maison de Arbatax, tu as reçu du courrier, c'est Matisse Yahou. Ils m'ont même rappelé après sur mon 04 pour savoir si j'avais bien reçu le mail. Comme ils sont sympathiques. Voilà, et ils m'ont dit que voilà, donc le rabbin new-yorkais, hein, a.k.a. Matisse Yahou, qui nous avait gratifié de King Without a Crown, Jérusalem, je ne sais plus comment s'appelait l'album. Bref. Je sais pas, je connais juste le live at Stubbs. Ouais. Et bah voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. Et à la période des fêtes, au moment de Noël, Matisse Yahou trouvait qu'à New York et aux États-Unis, voilà, il y avait toujours des chansons de Noël qui sortaient à ce moment-là. Tout le monde y allait de sa chanson de Noël, sa chanson des fêtes. Et en fait, lui, il a fait une chanson de Noël, mais pas de Noël. Il en a fait une pour les Juifs, pour Hanouka. Ah, il a dit Hanouka. Comme ça, voilà, ah, ouais. On rééquilibre la balance. Et moi, je fais une chanson pour Hanouka. C'est le cœur qui parle pour et toi. Et voilà, et donc ça s'appelle Miracles. C'est Matisse Yahou. On peut s'écouter ça. On peut écouter ce que ça donne. Si c'est chiant, on coupe. Hein. Non. Candles on my vehicle, 8 nights. Gonna shine invincible, no longer be divisible. Born through the struggle, keep on moving through all this hustle. Head up, head down through all of the bustle. New York City, wanna flex your muscle. Look so down, look so puzzled. Huddle around your fire through all the rubble. Bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all. Bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all. Charge on till tomorrow, wipe away your tears and your sorrow, sunrise in the sky. Like an arrow, no need to worry, no need to cry. Light up your mind, no longer be blind. Him who searches will find. Leave your problems behind, he will shine like a fire in the sky. What's the reason we're alive? Reason we're alive. Bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all. Bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all. Do you believe in miracles? Am I giving you? Je suis désolé, mais là, non. Attends. Ce refrain, la Katy Perry, là, non. Mathis Yaou, c'est clair, ton flow, j'aime bien. Mais ce refrain, c'est quoi, là? C'est Katy Perry. Ah! Ça! Voilà, on revient sur des bonnes bases. Toujours. Mathis Yaou à l'ancienne. Chop and down. Une valeur sûre. On repart sur celui-là. Chop and down de Mathis Yaou. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les vieilles confitures. Ou l'inverse. C'est pas à toi, on va l'apprendre. I'm not the same way it said. Clear a path somewhere. You could find your way back. Chop 'em down, chop 'em down, chop 'em down, chop 'em down. No, no. Said time flies by like clouds passing in the sky. Lifetime's here and gone with a blink of an eye. March through the desert one step at a time. March through the desert one step at a time. Sent from the forest itself comes the handle for the axe. Drop the staff, motion with pain, no split the ocean in half. March through the desert, this ain't where it's at. Said chop 'em down, chop 'em down. Chop 'em down, no, no. Said patterns engraved, not so easily your face. Still wandering, trying to find your place. I said playing the game, I see pain on your face. Nowadays they get in like children, so that's lame. Strange ways, running through the maze. Strange ways, always. Lost in the desert, trying to find your way. Lost, lost in the desert, trying to find your way. From the forest itself comes the handle for the axe. Spit this wilderness, listen, I'm down the same way. To all the nations when drafting, Yosef rose to power and the Yidden state started to build and success was made. Pharaoh's getting worried, let's make a play. Bound in chains, firstborn was sent down to their graves. Moshe was saved and a prince he was raised. Hashem spoke to him, here's a message to relay. Just a remnant. We'll do this wasteland, leaving footprints. Peel off the lid, this is just plastic. Gotta get into it, get into it. It's a heavy hitter, stepping solid, never quitter. Jumping through the ocean before it's split. Gotta jump into it, jump into the ocean, jump into it. Rip through Egypt, rip through it. 600,000 with a stick. No, you didn't forget, no, you didn't forget. Rip through Egypt, rip through it. Say rip through Egypt, yeah. Sitting this way with you, what desert things are not what they seem. Snakes camouflage, just to quit the scene. Put your faith in the mirage, it's just a smoke screen. Just a smoke screen, just a smoke. In the spirit with you, what desert things are not what they seem. Snakes camouflage, just to fit in the scene. Put your faith in the mirage, it's just a smoke screen. Took that path and you know we're in need. Ooh, yeah, you are who I'm thinking about you. Salut, rebonjour, vous êtes sur Tortoli Arba Tax, vous écoutez Radio Panique sur le 105.4. Bonjour aussi à vous qui nous écoutez sur internet en streaming. Nouveau jingle ou quoi? Balance. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arba Tax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Eh, pas mal le nouveau jingle. Ebola le travail. Ebola le travail, elle est bonne. Attends, Ebola. Ebola. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et voilà, quand même. Bon, tu l'as mérité, bah, je te la remets. Exact, vas-y, balance. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arba Tax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Ah, Ebola le travail. Du moment que tu te fais rigoler, c'est bien le fandard quand même. Bon, dis-moi, il est 17h30 passé, c'est l'heure de l'agenda culturel. L'agenda Q, l'agenda Turel, l'agenda culturel. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Agenda culturel un petit peu en mode maigrichon, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. En mode rachitique. En mode rachita, en voyant ce qu'on fait ce soir. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Personnellement, rien de prévu. Si, moi je vais aux 5 ans de 10 boutiques. Théâtre Marny, voilà, 20h émission en direct. Et voilà. À partir de 21h, la fête toujours, mec. Djiboutique qui fête ses 5 ans. Ça, déjà, c'est... déjà hein, le petit bout de chemin déjà. Ah, un petit bout, tranquille. Donc ça c'est ce soir Théâtre Marny et voilà. C'est gratuit, allez-y ce soir. À écouter et aussi. Les gars, hein. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? À écouter sans panique. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait demain? Rien de prévu. Rien de prévu. Non. Bah... non. Alors moi c'est Ligue des Champions, je vous explique les enjeux, Marseille est en passe de devenir premier. Non, franchement on s'en fout. Ouais, passons au jeudi. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi oui. Ah jeudi oui, t'as quelque chose? Non. Niette? Niette. Mais disons, quelle semaine? De malade. De malade. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Pour commencer bien le week-end. Ah. On aurait peut-être un petit peu de matériel sur le vendredi. Y a du matos. Je commence par la soirée Boyatones, la numéro 2. Voilà, ça tiendra donc vendredi au Bazar, rue des Capucins, à Quel Bruxelles. Bazar avec 3 A. À toi de les replacer dans l'ordre que tu veux. Ça, c'est, voilà, c'est à partir de 22h30. Ça te coûte 8 euros, je fais la liaison. Ah, 8 euros. Et voilà, ils font cette petite soirée pour fêter la sortie du EP, du EP, Uctures, Abstructurate EP. Voilà. Okay. Et donc, sont présents, voilà, pour nos animateurs d'électro de Bruxelles, Alexis Perala, qui nous vient de Finlande, Subjects, Uctures, DJ Sofa Osmose, Bishop Dust, VG Shiru, et puis voilà quoi. Pas mal. En donc quelque sorte. Ça, c'est ce vendredi. Mais il y a encore autre chose vendredi. Ouais, vendredi, il y a Anti-Tapas, les soirées qui commencent à devenir de plus en plus grosses. Avant, ça se passait à Saint-Gilles, à côté de la Porte de Halle, non? À la ex-Cantina. Ex-Cantina, ouais. Là, ça a déménagé. C'est toujours à Saint-Gilles, mais c'est à la Maison des Cultures, rue de Belgrade. Tu connais? Faut pousser un petit peu plus loin dans Saint-Gilles. Quoi. Pousse, vas-y, pousse, je te rejoins. Dans Saint-Gilles South. Et voilà, donc c'est Anti-Tapas. Et ce qui est assez particulier cette semaine, c'est que la tête d'affiche, la grosse tête d'affiche, n'est pas annoncée sur le Flyers. C'est-à-dire, ils nous promettent. Oh putain, j'ai mal au promettre. C'est juste, ils nous promettent une grosse, grosse tête d'affiche en mode Balkan. Donc, ça va être très, très fat. On peut dire que Tortoli et Arbatax ont eu l'exclu. Voilà, on sait qui c'est. On sait voilà. Que c'est très fat. C'est en trois mots. Ça commence par un T. Ça finit par un S et il y a un D à l'intérieur. Trop d'indices, c'est malade. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas... mais on peut pas le dire. Tout ça, on peut pas le dire. Donc c'est la soirée Anti-Tapas. De toute façon, rendez-vous sur le site antitapas.org. Vous rendez là, vous aurez toutes les infos, etc. Ils ont tout pour vous faire babiner l'écrevisse. Babiner. Babiner. Voilà, mais ça c'est encore bon. Ça c'est encore meilleur que ton clash d'expression d'il y a deux semaines. Non, où je m'enlèche les babines. C'est babiner peu... tout court. C'est juste pour être fandard que je dis ça. C'est juste pour être fandard. Pas de babine entre nous. Voilà, cette soirée Anti-Tapas, donc c'est vendredi. Vous avez donc le choix entre Boyatones, que t'as si bien énoncé, et Anti-Tapas. Tout simplement. Passons donc au samedi. Allez. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever. Oh oui, Guimette. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est pas si bien dire. Mais avec quoi? La Tortoli va nous le dire. Alors, il y a une soirée au Recyclard qui est un concert plutôt. C'est un concert de folk. Et c'est deux. La tête d'affiche, c'est deux jeunes sœurs qui s'appellent Spando. Non, ça s'arrête. C'est deux jeunes sœurs, ça nous suffit. C'est bon, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc, il y a Spando, Triotonic, Blackies and the Hoo-Hoos. C'est trois groupes belges. Voilà, il vous en coûtera 5 euros, c'est à partir de 21h et c'est au Recyclard, tu connais? C'est voilà, c'est cette salle dont on parle toutes les semaines, on va pas en rajouter, non? Non, non. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs? Bah, je sais pas. Pas grand chose, mis à part écouter Tortoli Arbatax mardi prochain à 17h. Ah, mais on peut se faire la rediff aussi. Comment on fait? Blah. Est-ce que cela signifierait la fin de l'agenda culturel? Bah, j'ai l'impression qu'on est, on est dessus. On repart sur du son. Qu'est-ce que tu veux écouter? Écoute, moi j'écouterais bien. Là, je suis un peu paumé. Là, je suis. Moi, je te propose d'aller. Je te propose d'aller dans le sud de la France. Massilia, mon gars. Massilia Sound System, et le titre s'appelle Pauvre de nous. Parce que je. En fait, je te vois comme ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, tout de suite, hop, impro, tu penses pauvre de toi. Bah, je me dis, pauvre mais de pourquoi nous. Pas nous qui sommes dans le besoin. Tu l'entends, ça? Massilia, Pauvre de nous, c'est sur leur meilleur album, pardon. C'est sur l'album 3968CR. Bien sûr. Faire bouler les fadas en parlant du vin et des filles. Qu'est-ce pas l'outil des pantalons? Massilia, let's go! En un clin d'œil sur ta télé, tu pourras compter sans bordir. C'est Maridas qui est le mestier, c'est de tout là sur la porille. A découvert ou déguisé, leurs dents sont toujours aiguisées. Pour te tromper, ils se maquillent. Coulego, tu folle incapace, un coup mesquino d'une lesbille. Y'en a partout, je te mens pas, c'est pire que la taxifolie. Des d'une l'église et d'une l'estat. La presse et l'université. Et d'un léon d'une ta famille. Ces salons ne font que tricher pour mieux récupérer leur pille. Et politique, elle est aidée, et mais il semble une comédie. Ils masquent la réalité et imposent leur vérité. Toujours fuyant comme l'anguille. Et professeur et les tugas t'expliquent tout per magie. Mais leur savoir est plus étroit encore que le chat d'une aiguille. Soumis à l'info, tu t'exas. Si pas la rien maille des trouvants. C'est ça, très Johnny Courtésie. Ils nous feraient bien rigoler s'ils ne faisaient que des broutilles. Moi, ici, pareil, son poulidé, dans des samplings à la caville. Ils nous empêchent de penser. Ils seraient prêts à jouer les bouchers. De peur que l'insecte vacille. Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passée la plèbe? N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient? Y'en a plein qui achètent un moulon de six caves, des obligations et des actions à Paris-Bas. Un lingot de cachet tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi. On rêve tous de cabriolets et de Mercedes, et de posséder une belle et grande villa, pleine de champagne et de superbes gonzesses, habillées par Chanel, Dior et puis Chantal Thomas. Pleine de seins, pleine de fesses, et qui ressemble à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates et Bill Clinton et Monica. Quand vient le samedi, à tous les coups, c'est la grand-messe, de la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement, on fait souvent des chèques en bois. Les riches s'envergognent, augmentent leur richesse. Toi, pauvre couillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciens sont à l'aise pour magouiller à tour de bras. Et c'est toujours le plus balèze qui, du faible, brise les doigts. Yeah. Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Comme par hasard. Press people button. Nobody chat confuse me with some. Like only have 22 in a me something. Then I feel so forget the next dozen fool. Press trigger me no press people button. Nobody chat confuse me with some. Like only have 22 in a me something. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime you ready pull now we see start war. See who does this pretty talk from the style sky. Is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. Go now we sit down and watch your man a live. Watch your man a who now who a roll big. Sit down and a plan fi come put man pa fridge. Remember when you dig hole that hole you fi dig. Certain little boy we a stop deal with. Claims a dem a friend and dem bad mind your friend. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang. Chigga me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Game say them a friend and them bad mind me friend. Anytime you ready fool, yeah. Anytime stop. One or two take a long speech from the style. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A rude boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. Oh oh, Tortoli Arbatax, vous écoutez Radio Panique. Hey. Comment ça va, Arbatax? Bien ou quoi? What's up? Tranquille, tranquille, tranquille. Super. On vient de s'écouter Teddy Beer et HTHCLML Cobra Style. Voilà, le titre c'est Cobra Style. Et juste avant Cobra Style, t'as entendu l'optimisme? On serait sur une révolution. Ah ouais. Ah oui. Merci de me mettre un peu de son. De rien, de rien. T'as entendu la petite révolution, le petit mix avant? Pas mal, pas mal. Il y avait un petit peu de As We Enter de Damien Marley là-dedans. Pam, hey, voilà. Et puis le petit. Ça c'est Rabbi Jacob. Mais c'est vu que tu parlais de Mathis Chaou, les rabbins et tout. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Pas mal. Et en parlant de révolution. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire parce que Cantona a lancé un appel aujourd'hui. Voilà. Pour qu'on retire notre argent des banques. Exactement. Et toi? Bah. Tu étais toi? Bah moi j'ai été, ouais. J'ai été, j'ai retiré toute ma thune. Sérieux? Et €22,30. Ah ouais, tu te retrouves avec tout ça maintenant sous le matelas quoi. 22,30 plus la clôture du compte, moins 3€, donc j'ai retiré €19,30. Je pense que tu les as bien dans... Donc là je leur ai dit. Là t'as mis le système un peu en danger, Tortoli quoi. Prends ça, révolution et tout. J'ai dit prends ça la banque. Prends ça le système capitaliste. Et voilà, c'est la révolution, tu vas voir. Ah et ouais. Voilà. Et toi t'as un petit peu. Pareil. pareil, je suis allé à la banque et puis mais en fait je suis à découvert quoi. Donc c'est le banquier, j'ai dit ouais, faut fermer mon compte et tout, et puis il m'a dit bah vous nous devez 400 euros. Donc en fait il m'a pris ma carte Bank Contact quoi. Ah merde. Donc de mon côté j'ai feu la révolution quoi. Mais chers concitoyens de Belgique ou d'ailleurs, concitoyens du monde, concitoyens du monde, puisque Internet rapproche les peuples, peuple de la terre. Et d'ailleurs voilà, il vous reste quelques heures. Ouais, j'allais dire non parce que les banques... parce que les banques sont quasi fermées. Les banques sont fermées, voilà. Mais au lieu de faire ça sur Homebank par internet, peut-être, mais je sais pas si ça va marcher ce truc. Hein. J'y crois. Non, mais on peut pas récupérer sa thune de toute façon. Non. Ou alors au pire, faites un virement à Tortoli et Arbatax. Videz votre compte. Voilà, mon numéro de compte, le 837742. Vous mettez à monsieur tortoli.moi. Et voilà. Pour moi, M-O-I-S. M-O-A. Ouais. Mais pour nous consoler, t'as peut-être un petit mix. Bah, révolution dans la radio, quoi. Révolution. Toi aussi, tu seras sur du mix. Vas-y. Voilà. Vas-y. Simplement, ça va se passer à base de ça. La révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machines, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple pour nous à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ouais, pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Le principe de la révolution, c'est que vous faites un tour complet à 360 degrés. Que vous faites un tour complet à 360 degrés. Talking about a revolution sounds. Favor promotion, don't you know? Talking about a revolution sounds. Yes, sir. People gonna rise up, get their share. People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Le principe de la révolution, c'est que vous faites un tour complet à 360 degrés. Que vous faites un tour complet à 360 degrés. Le premier coup de feu est tiré, le départ est roulé. La course peut commencer, ça cavale de tous les côtés. Ça me dévale les escaliers qui t'a défenestré. Quand le vide faut jeter, le vitrine pour le bouffer. Mais ton patron t'encule, t'avances pas, tu recules. Et t'as fait pour une mule, l'énervement s'accuplé. Enfranchis toutes ces sales bandes de rats. Et les temps d'exploser dans leur gueule de temps. Ah ouais, on les armées descend dans la rue, c'est la révolution. Tu sens pas que tu n'es pas vu, c'est la révolution. Tu grand gagné, grand premier plus, c'est la révolution. Bateau, révolution. Mais c'est la révolution. Mais sans, c'est ta dégouillon qui fait la révolution. Ton sang pour qu'il évolue pour faire la révolution. J'aime des foyers qui femmes pas qui fait la révolution. Maintenant, révolution. Mais c'est la révolution. Je veux fouetter comme un coup de savate, faire l'effet d'un coup de boîte. Républicain, démocrate, si je te touche, je t'éclate. Tous me portent une cravate, en partir de scène. T'as des toits comme des graines, point rouge. Rouge écarlate, et maintenant personne ne bouge. Ou alors à quatre pattes, c'est tout ce qu'il faudrait dire. Je décide au campagne. C'est dans leur petit manège qu'il faut créer l'impact. Maintenant je suis trop vénéré, j'allume le campagne. Quand les armées descendent dans la rue, c'est la révolution. Tu sens pas, mais si t'es pas vu, c'est la révolution. Tes grands guerriers comprennent bien plus, c'est la révolution. Pardon, révolution. Mais c'est la révolution. Mais sans, c'est d'un dégoût, y'a plus fait la révolution. révolution. Ton sang, pour qu'il évolue pour faire la révolution. J'aime les foyers, gay femmes battues, faites la révolution. Maintenant, révolution, et c'est la révolution. Pigren, montre le volume à fond. C'est la guerre, on fait pas la prime au chocolat à fond. On va se battre pendant la thune ou la religion. Sur les dunes, y'a des snipers qui tireront. Partout ça fume parce que les traîtres brûleront. Et dans la brume, on roule à être, nous les prendrons. Nous sommes tous âmes, les gars, disparaître de toute façon. Il est temps pour nous de connaître la révolution. On les emmène, descend dans la rue, fait la révolution. Tu seras pas plus, si t'es pas plus, c'est la révolution. Tu grand guerrier, comprends bien plus, c'est la révolution. Partons, révolution, mais c'est la révolution. Mais sans, c'est d'un des couillons qui fait la révolution. Ton sang pour qu'il évolue, pour faire la révolution. Jeune des fois, des gays femmes battues, faites la révolution. Partons, révolution, mais c'est la révolution. Le premier coup de guet tiré, le départ est tout lui. La course peut commencer, ça cavale de tous les côtés. Ça me dévale les inscrits, mes clins t'as défenestré. Dans le dépôt je dis, le bitume pour le bouffer. Mais ton patron t'encule, t'avances pas, tu recules. Il t'a pris pour une mule, l'énervement s'accumule. Envoie chez toutes ces sales bandes de rats. Il est temps d'exploser dans leur game de temps. Bah ouais, prends les armes et descends dans la rue, fais la révolution. Tu seras pas vu si t'es pas vu, c'est la révolution. Tes grands guerriers, gros premiers plus, c'est la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Mais sans, si t'as des couillons, tu fais la révolution. Ton sang, pour qu'il évolue, pour faire la révolution. J'aime des fois des guerres en bas, tu fais la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Chibouille, c'est pour te le massif sur la simple. Pink Ray prend le Max Delta. C'est pour te le garder, toutes les tensions. C'est le big bang pour le Mike MC. Si tu aimes, manifeste-toi. Prends les armes et descends dans la rue, fais la révolution. Tu seras pas pris, si t'es pas vu, c'est la révolution. Tes grands guerriers comprends bien plus, c'est la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Mais sans, si t'as des couillons, tu fais la révolution. Ton sang, pour qu'il évolue, pour faire la révolution. J'aime des fois, des guerres, pas tu fais la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Prends les armes et descends dans la rue, fais la révolution. Tu seras pas pris, si t'es pas vu, c'est la révolution. C'est la révolution, pardon, révolution. Mais c'est la révolution. Mais sans, c'est d'un égoïant qui fait la révolution. Ton sang, pour qu'il évolue, pour faire la révolution. Je t'ai voyé, gué, pas mal, tu fais la révolution. Pardon, révolution. Mais c'est la révolution. Révolution. Ah, ça m'a donné envie de faire la révolution, toute cette histoire. Quel mix. Vous écoutez Tortoli et Herbe Attax sur le 105.4 ou sur internet, radiopanique.org. On voulait faire un peu de révolution, nous aussi, en cette fin d'émission. C'est ma révolution à moi. C'est ma révolution. Donc on serait déjà sur un départ, il est déjà 18h. Et ouais, notre émission c'est de 17h à 18h. Voilà, je te remercie Herbe Attax. On va se finir par un truc révolutionnaire un peu. Révolutionnaire, bah ce sera simple, hein. Ce sera Révolution des Beatles. Oh là là, voilà. C'est original. Original. Hein. Juste, enfin ouais, c'est même quasi fandard quoi. juste pour vous rappeler dis que. Tortoli, tu commences à me faciliter le transit intestinal. Très bien. Et ben, sachez que pour voter pour une de ces deux expressions fandard ou ton transit intestinal va pas bien parce que tu fumes une clope et un café en même temps, je sais plus trop c'est quoi l'expression. Bref, votez pour une de ces deux expressions à base de Facebook, Tortoli Herbe Attax, ou à base de Gmail. Gmail. À base de gmail.com. Voilà, gros mail. Tortoli Herbe Attax @gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine à 17h comme tous les mardis. Pour une fat émission quoi. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Bon, je pense que ça risque d'être bien fandard encore cette histoire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Merci mon petit Herbe Attax. Je te remercie, Tortoli. Et comme diraient les Beatles, see you later. See you later. About destruction.